10-21, observation. Présent de l'indicatif du verbe venir. Alors, vous venez faire de la voile? Non, nous ne venons pas, nous faisons la sieste. Moi, je viens. Venir, je viens, tu viens, ils viennent. Nous venons, vous venez.